Jean-Bosco Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 14 février 2019. Voici les grands titres de cette grande édition. Le nouveau palais présidentiel construit à Gassény sur financement de la Chine a été officiellement réceptionné ce matin. Et les responsabilités des partis politiques et celles des groupes d'intérêt sont différentes. Ces derniers ont pour cela le droit de suivre les questions politiques. Vous entendrez les explications d'un politologue. Aucun journaliste ne pourra exercer son métier à partir du 19 septembre prochain sans la carte de la presse. C'est ce qu'a dit ce jeudi le président du Conseil national de la communication lors de l'ouverture de la session plénière de cette structure. Et dans la chronique judiciaire, vous en saurez davantage sur la légitime défense. Voilà pour les grands titres. Un bandit a été abattu la nuit dernière quand il tentait de se dissimuler vers le quartier Kavumu de la zone Kamenge après un vol qu'il venait de commettre dans un bar du nommé Marongero situé dans le quartier Ngagara 3. Ce voleur nommé Maribichuro Ezekiel de Isale, qui était originaire de Bujumbura Rural, a été tué par un militaire en position dans la localité. Selon des sources policières, 8 téléphones portables et une somme d'argent non encore connue ont été emportés lors de ce vol à main armée. Un pistolet a été saisi sur ces criminels qui étaient à deux. L'enquête est en cours, précisent nos sources. Je venais de vous le dire, aucun journaliste ne pourra exercer son métier à partir du 19 septembre de l'année 2019 en cours sans sa carte de presse. C'est ce qu'a dit ce jeudi le président du Conseil national de la communication lors de l'ouverture de la session plénière de cette organisation. Nestor Bangomukunzi indique également que le CNC a déjà atteint la dernière étape du projet de délivrance de cette carte. Il interpelle toutefois certains organes de presse à payer les frais demandés pour la conception de cette carte de presse. Et parmi les dossiers à analyser figure l'analyse des dossiers de certains organes fermés, un accent particulier sur les journaux qui ont cessé d'honorer leurs devoirs, ainsi qu'un organe de presse émettant sans autorisation préalable du CNC. Le président du CNC a précisé toutefois que les résultats de cette session vont être proclamés ce vendredi. Remise et réception ce jeudi du nouveau palais présidentiel construit à Gassény, financé et construit par la Chine. L'ambassadeur chinois au Burundi, Li Changlin, précise que c'est un symbole de l'amitié sincère sino-burundaise qui est aujourd'hui à son meilleur niveau. Ce diplomate a en outre indiqué que son pays est en train d'identifier les domaines à appuyer dans le plan national de développement. Suivez-le. Nous avons mis plusieurs années dans la détermination du site. Enfin, nous avons terminé ces travaux en 2 ans et demi. Il faut dire que c'était l'ouvrage le plus important jamais réalisé par la Chine jusqu'à présent au Burundi. Je dirais que c'est un symbole de l'amitié sincère et de la coopération agissante entre la Chine et le Burundi. Comme vous le savez, au mois de décembre 2018, nous avons célébré le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Burundi. La relation entre nos deux pays se trouve à son meilleur niveau de l'histoire. Et comme vous le savez, au début du mois de septembre de l'année dernière, a eu lieu à Pékin le sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Le président chinois Xi Jinping a annoncé 8 initiatives majeures pour la coopération entre la Chine et l'Afrique en général et pour la coopération entre le Burundi et la Chine en particulier. Pour le moment, nous sommes en train de mettre en synergie toutes ces mesures concrètes avec le plan national du développement décennal du Burundi. À cet effet, l'ambassade de Chine a mobilisé une équipe d'une dizaine de jeunes interprètes pour traduire le plan national du développement du Burundi en chinois. Ceci afin d'identifier des domaines de coopération prioritaires. En tout cas, pour toutes les promesses que nous avons faites à l'endroit de nos frères burundais, les Chinois, ils vont le faire avec toute notre énergie et notre cœur. C'était l'ambassadeur chinois au Burundi, Li Changlin, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyangé à la réception du nouveau palais présidentiel construit à Gasegni. On aura noté la présence du deuxième vice-président de la République, Joseph Butoré, l'ambassadeur de Russie au Burundi et celui du Kenya à Bujumbura. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi la révision de deux projets de loi, l'une portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la CNTB, la Commission nationale terre et autres biens, et l'autre sur la création, organisation, composition, fonctionnement et compétences de la Cour spéciale des terres et autres biens. Et certains élus du peuple ont soulevé leurs inquiétudes quant à la compétence de cette cour. Les précisions de Moïse Misago. Parmi les motivations de la révision de ces projets de loi est que la Cour spéciale des terres et autres biens fait face à la problématique de l'acquisition des titres de propriété et des certificats fonciers par les sinistrés en dépit de l'existence de la direction des titres fonciers et du guichet foncier communal unique. Cette difficulté fait que l'occupant illégal continue de jouir de la propriété alors qu'il est débouté par la décision de la CNTB devenue définitive. Certains députés ont soulevé leurs inquiétudes comme quoi les décisions de cette cour ne sont pas susceptibles de recours. Le député André Ndaïzamba craint une éventuelle injustice dans le traitement de ces dossiers. Les droits de la défense, en quelque sorte, ne sont pas respectés par cette cour. Parce qu'il y a des cas aussi où on a vu des gens qui n'ont pas qualité à saisir cette cour. Ils y viennent et disent des mensonges et ils y gagnent des procès. Quant au député Daniel Gelaz Ndabirabe, ceux qui ne veulent pas que cette cour travaille convenablement sont ceux qui ont spolié les biens. Les tâches de la cour sont d'une importance pour le pays. Si nous retournons en arrière, la cour ne sera plus spéciale. Il y aura du blocage car il y a des gens qui ne veulent pas que cette cour travaille, notamment ceux qui ont spolié des biens. Ils n'ont pas intérêt à ce que la cour spéciale soit fonctionnelle. Ils n'ont pas intérêt. Devant ces élus du peuple, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a expliqué que cette cour est constituée de deux chambres, celle du premier degré et une chambre d'appel. Il y a plusieurs instances, mais la cour est là. La cour a deux chambres. La première instance est celle d'appel. Et on prévoit une possibilité de révision. Ouvrons nos cœurs et laissez les activités continuer. Ces deux révisions de projets de loi ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Le premier a été adopté à l'unanimité et l'autre a été adopté par 104 députés, à l'exception de deux députés, André Ndaïzamba et Fabien Mantiganine. Merci Moïse. Les feux de signalisation routière se trouvant sur les différentes avenues de la mairie de Bujumbura vont pouvoir fonctionner normalement à partir de cet après-midi. C'est le directeur des travaux routiers au sein de l'Office des routes qui fait cette promesse en précisant que la principale cause des pannes observées est la faiblesse des batteries des poteaux de ces feux tricolores utilisant les rayons solaires. Désiré Avdialiman a ajouté néanmoins que le gouvernement n'a pas encore désigné le secteur qui va assurer l'entretien de ces feux de signalisation routière. Suivez-les, il est au micro de Vestine Aboutoui. L'entreprise qui entretenait ces feux tricolores qui les ont mis en place a terminé son contrat. Donc il y a eu la réception définitive dernièrement. C'est ainsi qu'il y a un problème de l'entité qui doit continuer à assurer l'entretien. Comme c'est l'Office des routes qui a financé via les bailleurs ces travaux, c'est nous qui doit continuer à assurer l'entretien en attendant que l'administration désigne une entité qui va continuer à faire l'entretien. Donc maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une panne technique. Les techniciens ont déjà identifié cette panne et ils nous disent que cet après-midi, il y aura le fonctionnement de ces feux tricolores. Bien, nous sommes habitués de voir que ces feux tricolores utilisent les rayons solaires. Et comment vous allez résoudre ce problème? Je pense que l'information que vous avez n'est pas du tout totalement correcte parce que ces feux tricolores, suivant sa conception, c'est qu'ils utilisent l'électricité et les rayons solaires viennent pour compléter. Y aurait-il une connexion entre les fils électriques de la régie des eaux et ces feux tricolores? Exactement. Je vous ai dit que depuis sa conception, il y a une connexion électrique, même des compteurs, il y en a. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Dans les communes de Mugina, Buganda et Rugombo, les propriétaires de bistrots ont monté les prix des produits Brahoudi, augmentant de 100 à 200 francs burundais. Le gouverneur de la province Cibitoke dit que les administrateurs qui devraient assurer la réglementation des prix ont négligé tout en précisant qu'il va suivre de près cette situation. Alexis Ndaïlagiche. Dans plusieurs bistrots des communes, Bouganda, Rugombe et Mugina, la moussée 65 litres qui devrait s'acheter à 1800 francs pour, s'achète à 2000 francs pour. La bière Primus qui devrait s'acheter à 1500 francs pour, s'achète à 1600 francs pour. Les limonades s'achètent à 800 francs pour, au lieu de 700 francs pour. La petite amoussère qui s'achète à 1500 francs pour, au lieu de 1400 francs pour. La petite Primus s'achetant à 1200 francs pour, au lieu de 1100 francs pour. La bière Bock s'achetant à 1300 au lieu de 1200. Ces augmentations des prix par les propriétaires des bistrots dans ces communes créent la grogne chez les consommateurs des produits blarodis. Interrogé sur ce sujet, le gouverneur de la province de Bitoke, Joseph Teriteka, indique que ceci est de la négligence et de l'erreur des administrateurs de ces communes et des agents de la police qui devraient suivre de près la réglementation des prix. Il affirme qu'il va se saisir de cette situation en demandant tout un chacun de lui fournir des informations sur les prix de ces produits blarodis. Le gouverneur Teriteka précisant que les propriétaires des bistrots qui vont être en dehors de la loi seront sanctionnés. Les consommateurs des produits blarodis, quant à eux, demandent aux autorités administratives et au comité de la police de Cibitoke de faire respecter les prix fixés par le gouvernement en collaboration avec la blarodie. Depuis Cibitoke, Alexis de la Gagé, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Libération puis remise ce mercredi dans leurs familles respectives de 5 personnes de Busagan, commune Urambi de la province Rumonge, après plus d'un mois de leur rétention à Rumonge. Juvenal Wigirimana, gouverneur de cette province de Rumonge, parle d'un acte visant l'apaisement du climat politique et le renforcement de l'unité des gens de cette localité. Jean-Pierre Misago. Après leur transfert du cachot de Mourago vers le cachot de Rumonge le 10 janvier de cette année et après être interrogé par le service national de renseignement puis le parquet de Rumonge soupçonné d'avoir effacé certains des écrits du monument du CNDD-FDD sur les collines natales de Busaga, Emmanuel Nyongaji, Jean Bosco Nyomungere, Renaud Van Inherese, Pascal Ahishaki et Emelance Irambona, tous se réclamant du parti UPRONA, sont sortis du cachot de la police de Rumonge et ont été remis à leurs familles respectives ce mercredi. Selon certaines sources, les témoins à charge ne se sont jamais présentés. S'agissant de savoir s'ils ont été acquittés ou non, Juvenal Wigirimana, gouverneur de Rumonge, qui les a remis à leurs familles respectives ce mercredi, se garde de tout commentaire. Selon lui, la libération de ces personnes est intervenue après plusieurs consultations, celles menées avec les anciens de cette colline y comprise, et s'inscrit dans la ligne droite du renforcement de l'unité nationale et de l'apaisement du climat politique sur cette colline. Pour les professionnels de droit, la rétention au cachot ne peut pas dépasser 14 jours et leurs familles disent qu'elle est leur et illégalement retenu avant de demander à la justice de toujours veiller au respect de la loi en matière de rétention préventive. C'est la deuxième fois que ce monument est victime de tels actes selon le gouverneur de Rumonge qui demande aux habitants de Busaga d'agir en synergie afin que cela ne se reproduise plus. Jean-Pierre Misako, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et deux filles élèves au lycée de Lakomibou à Muyinga ont décidé de quitter l'école plutôt qu'obéir aux ordres de se faire raser les cheveux. Leur église, l'Assemblée chrétienne, interdit aux filles et femmes de se raser les cheveux. À une école où les filles portent le voile, les parents des deux demandent aux responsables de l'école de laisser les deux filles continuer leurs études, d'autant plus que les cheveux sont couverts par le voile. À défaut, les parents réclament les documents pour chercher des places dans d'autres pays où elles seront libres de pratiquer leur culte, même à l'école. Les responsables de l'école rappellent que le règlement scolaire est à appliquer indépendamment des religions. Les groupes d'intérêt, dont les organisations de la société civile et les confessions religieuses, ont le droit de suivre de près la politique. Explication de l'analyste politique Denis Vanchimioussa. Après la présentation ce mercredi d'un travail qu'il a réalisé sur les partis politiques et les groupes d'intérêt, il précise qu'il ne devrait pas y avoir confusion entre les responsabilités des partis politiques et celles des groupes d'intérêt. On l'écoute. Les partis politiques ne sont pas les seuls animateurs de la vie politique d'un pays, y compris le Burundi. Donc, à côté des partis politiques qui accomplissent un rôle spécifique, c'est vrai et traditionnel, il y a aussi des groupes d'intérêt, des groupes de pression, des groupes d'influence qui participent à la détermination, qui participent à l'animation de la vie politique d'un pays. Donc, c'est pas incompatible entre les deux types de groupements. Les groupes d'intérêt, ils ont le droit de suivre de près la gestion des affaires de leur pays. Comme la loi régissant les associations sans but lucratif le précise bien, il y a des domaines d'intervention de ces organisations. Parmi ces domaines, il y a des domaines purement politiques. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ces groupes d'intérêt remplacent les partis politiques ? Les groupes d'intérêt n'ont pas à remplacer les partis politiques, mais si les circonstances l'imposent, les groupes d'intérêt peuvent suppléer les carences des partis politiques et essayer de canaliser, par exemple, les attentes et les doléances des citoyens au moment où c'était les partis politiques de l'opposition qui devraient le faire. Les groupes d'intérêt peuvent le faire en lieu et place des partis politiques. Mais cela ne pose aucun problème. Est-ce que les groupes d'intérêt peuvent devenir des partis politiques ? Il y a certains partis politiques qui se créent à partir des groupes d'intérêt. Et c'est par exemple au Burundi le cas de Sonovi, de MRC Renzangemero, de PIT, etc. Voilà, c'était Dr Denis Banchimiousa. Il est politologue et ses propos ont été recueillis par Elie Nibel Nibikira. Radio Isanganiro, chronique justice. Je l'avais annoncé dans les titres, on parle de la légitime défense qui s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d'agression. Maître Fabien Segatois explique que les moyens utilisés doivent respecter certaines conditions, notamment les violences utilisées pour repousser l'agresseur doivent être le seul moyen de se protéger. La légitime défense sera considérée dans ce cas comme une cause d'irresponsabilité pénale. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire présentée par Alain Désiré Boukayenetz. Dans le système judiciaire burundais, et spécialement dans le code pénal, la légitime défense est classée parmi les causes d'irresponsabilité pénale. L'auteur de cet acte, qui est normalement puni par la loi, n'est pas poursuivi devant la justice puisqu'il réagit face à une agression injustifiée, explique Maître Fabien Segatois. En cas de légitime défense, qui est la réaction de celui qui, devant une agression injustifiée, envers elle-même ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient proportionnels à la gravité de l'agression. Pour qu'un acte soit qualifié de légitime défense, les conditions sont de trois ordres. Premièrement, la réaction face à une agression doit être immédiate, en dehors de toute intention de se faire justice. Quelqu'un ne peut pas dire « voilà, on m'a agressé le matin et le soir, vous allez essayer de faire tout pour l'attendre sur la route et vous lui asséner un coup pour dire que j'ai fait une légitime défense. » Deuxièmement, Maître Fabien Segatois précise que l'acte de défense doit être nécessaire. Il y a des fois où il vaut mieux fuir que de vouloir porter de coups ou de pouvoir se défendre. Si on peut fuir l'agresseur, eh bien, je crois qu'on peut bien fuir l'agresseur. C'est inutile d'engager un combat pour une illégitime défense. En troisième position, la force utilisée pour se défendre doit être proportionnelle à celle de l'agresseur. On doit estimer que les moyens qu'on emploie pour repousser l'agression soient proportionnels à l'agression. Par exemple, lorsque quelqu'un veut vous porter un coup de poing, vous n'allez pas tirer dessus tout de suite. Si vous pouvez fuir, ça serait bon. S'il n'a pas d'arme, vous n'allez pas employer une arme, sauf si effectivement c'est le seul moyen de pouvoir vous défendre. La légitime défense est en outre justifiée par l'absence de tout autre moyen que la victime devrait employer pour se protéger. La légitime défense est inspirée par la peur du mal que l'autre va vous faire. Il y a également ce qu'on appelle le cas de nécessité. Ça veut dire que la légitime défense est justifiée par le fait qu'il n'y a pas autre chose, on ne peut pas faire autrement pour se défendre, pour écarter le danger. Eh bien, il faut se défendre, il faut employer les moyens forts tels que l'autre les a amenés. Maître Fabien Segatois explique que la violation de cette règle constitue éventuellement une infraction qui tombe sous le coup de la loi pénale. Nous y reviendrons dans la prochaine chronique. Merci Alain Désiré Boukéineza, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Alphonse Koubguimana au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.